Chapitre 21. Quand ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent au village de Bethphagée sur le mont des Oliviers, Jésus envoya en avant deux des disciples. « Allez au village qui est là devant vous, leur dit-il. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et son ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si l'on vous dit quelque chose, répondez, « Le Seigneur en a besoin. » Et aussitôt, on les laissera partir. Cela arriva afin que se réalisent ces paroles du prophète. Dites à la ville de Sion, « Regarde, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Les disciples partirent donc et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, posèrent leurs manteaux sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et les mettaient sur le chemin. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui le suivaient criaient « Gloire au Fils de David, que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur, gloire à Dieu dans les cieux. » Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville se mit à s'agiter. « Qui est cet homme ? » demandait-on. « C'est le prophète Jésus, de Nazareth, en Galilée, » répondaient les foules. Jésus entra dans le temple et chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs d'argent et les chaises des vendeurs de pigeons. Puis il leur dit, « Les Écritures déclarent, « Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, ajouta-t-il, vous en faites une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de Jésus dans le temple, et il les guérit. Les chefs des prêtres et les maîtres de la loi s'indignèrent quand ils virent les actions étonnantes qu'il accomplissait, et les enfants qui criaient dans le temple « Gloire au Fils de David !» Ils dirent alors à Jésus, « Entends-tu ce qu'ils disent ?»« Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ce passage de l'Écriture ? Tu as fait sortir des louanges de la bouche des enfants et des bébés. » Puis il les quitta, et sortit de la ville pour se rendre à Béthanie, où il passa la nuit. Le lendemain matin, comme il revenait en ville, Jésus eut faim. Il vit un figuier au bord du chemin et s'en approcha, mais il n'y trouva que les feuilles. Il dit alors au figuier, « Tu ne porteras plus jamais de fruits. » Aussitôt, le figuier devint tout sec. Les disciples virent cela et furent remplis d'étonnement. Ils demandèrent à Jésus, « Comment ce figuier est-il devenu tout sec en un instant ?» Jésus leur répondit, « Je vous le déclare. En vérité, si vous avez de la foi et si vous ne doutez pas, non seulement vous pourrez faire ce que j'ai fait à ce figuier, mais vous pourrez même dire à cette colline, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela arrivera. » Si vous croyez, vous recevrez tout ce que vous demanderez dans la prière. Jésus entra dans le temple et se mit à enseigner. Les chefs des prêtres et les anciens du peuple juif s'approchèrent alors et lui demandèrent, « De quel droit fais-tu ces choses ? Qui t'a donné ce droit ?» Jésus leur répondit, « Je vais vous poser à mon tour une question, une seule. Si vous me donnez une réponse, alors je vous dirai de quel droit je fais ces choses. Qui a envoyé Jean baptisé ? Dieu ou les hommes ?» Mais ils se mirent à discuter entre eux et se dirent, « Si nous répondons « c'est Dieu qui l'a envoyé », il nous demandera, « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru Jean ?» Mais si nous disons, « Ce sont les hommes qui l'ont envoyé », nous avons à craindre la foule, car tous pensent que Jean était un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, « Nous ne savons pas. » « Eh bien, répliqua-t-il, moi non plus, je ne vous dirai pas de quel droit je fais ces choses. » « Que pensez-vous de ceci ? » ajouta Jésus. « Un homme avait deux fils. Il s'adressa au premier et lui dit, « Mon fils, va travailler aujourd'hui dans la vigne. »« Je ne veux pas, » répondit-il. Mais plus tard, il changea d'idée et se rendit à la vigne. Puis le père s'adressa à l'autre fils et lui dit la même chose. Celui-ci lui répondit, « Oui, père. » Mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait ce que voulait son père ? Le premier, répondirent-ils. Jésus leur dit alors, « Je vous le déclare. En vérité, les collecteurs d'impôts et les prostituées arriveront avant vous dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous en vous montrant le juste chemin et vous ne l'avez pas cru. Mais les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui. Et même après avoir vu cela, vous n'avez pas changé d'opinion pour croire en lui. Écoutez une autre parabole. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne. Il l'entoura d'un mur, y creusa un trou pour le pressoir à raisin et bâtit une tour de garde. Ensuite, il loua la vigne à des ouvriers vignerons et partit en voyage. Quand vint le moment de récolter le raisin, il envoya ses serviteurs vers les ouvriers vignerons pour recevoir sa part de la récolte. Mais les vignerons saisirent ses serviteurs, battirent l'un, assassinèrent l'autre et tuèrent un troisième à coups de pierre. Le propriétaire envoya alors d'autres serviteurs en plus grand nombre que la première fois, mais les vignerons les traitèrent de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant « Ils auront du respect pour mon fils ». Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux « Voilà celui qui deviendra propriétaire plus tard. Allons, tuons-le et nous aurons sa propriété. » Ils le saisirent donc, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le propriétaire de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? Demanda Jésus. Ils lui répondirent « Il tuera sans pitié ces hommes mauvais et louera la vigne à d'autres vignerons qui lui remettront sa part de la récolte au moment voulu. » Puis Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu ce que déclare l'Écriture ? C'est la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée qui est devenue la pierre principale. Voilà ce qu'a fait le Seigneur, et il est merveilleux pour nous de voir cela. » C'est pourquoi, ajouta Jésus, « Je vous le déclare, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui en produira les fruits appropriés. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et si la pierre tombe sur quelqu'un, elle le réduira en poussière. » Les chefs des prêtres et les pharisiens entendirent les paraboles de Jésus et comprirent qu'il parlait d'eux. Ils cherchèrent alors un moyen de l'arrêter, mais ils eurent peur des foules qui considéraient Jésus comme un prophète.